Je veux bien donner de ma personne, écouter les autres. Paraît-il, je suis dur avec moi-même, mes frères. Je veux bien redoubler d'efforts et puis me barrer vite d'ici. Loin de votre buzz, carré VIP, état d'esprit de meurtre, starlet bis. Pour ma part, je préfère quand la reste difficile. Un tas de récits, pas que le rap est agressif. Le fusil à l'épaule, je te rassure, je dirais pas si t'apprécies cette musique. Je me suis trop souvent cramé la rétine, frère. J'en ai perdu l'appétit et je compte pas faire ma lessive en public. Juste mon temps de parole, sans faire le gangster, ni parler en tant que taron. Le rap est, paraît-il, nuisible. Certes, ça tourne pas rond, frère. Bienvenue chez les chiens qui ne baissent pas leurs pantalons. C'est par ici la visite. Je m'en balais de vos à toutes vos clashs. Pas ni de la dernière pluie. J'peux pas te parler de mon parcours sans te parler d'Inky Puit. Et puis vite les indés se propagent pacifistes. Je suis qu'un petit rappeur qui rêve vraiment d'une Palestine visible. On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire. Leur seul devoir, revoir leurs lois et leurs législations. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire. Leur seul devoir, revoir leurs lois et leurs législations. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Lâchez la pression, ma peine était presque partante. J'ai toujours comme l'impression de marcher sur des braises ardentes. J'ai beau écrire, le pire pour me relire, j'y vois flou. Puis comment dormir, comment fakir sur un lit à clous? Dis-moi tout, plus rien à perdre, on s'en sorcelle. J'ai bien compris que dans ce monde de merde, on s'en sort seul. J'habite dans un endroit ravitaillé par des corbeaux, apprivoisé, ratiboisé par des corneaux. Des tas de traîtres sur leurs destriers, leurs âmes aiguises. J'ai été prié dans une église, mais pas de prêtre. Vise la soluce, si la réponse tu l'as peut-être. Retiens mon place, que je te le dise juste en quatre lettres. Essayez d'oublier de ces biens, les traces restent. Combien nous prennent pour des chiens, des braves bêtes, on se maltraite. On fait peur à certains, nos sales têtes. J'suis pas meilleur qu'un autre, du moins j'essaie pas de. On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire. Leur seul devoir, revoir leurs lois et leurs législations. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire. Leur seul devoir, revoir leurs lois et leurs législations. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Lorsqu'une personne jette une pierre, on appelle cela une action répréhensible. Si on jette 1000 pierres, cela devient une action politique. La contestation, c'est lorsque je dis que ça ne me convient pas. La résistance, c'est lorsque je fais en sorte que ce qui ne me convient pas ne puisse pas durer plus longtemps. J'hésite à parler de mon enfance, peur de me retrouver seul face à ma feuille, m'exploser la rétine, que la vie me laisse et marque l'arcade à l'œil à l'heure où le rap se meurt. Et les carrières se comptent en heure, que les langues se délient, je leur crache à la gueule à bon entendeur. J'ai pas lâché le temps de m'accomplir, plus 30 piges, me voilà conquis. N'allez donc pas croire qu'ici les plumes se vendent à bon prix. Je peux pas dire que je connais pas dans mon grand cœur, mon frère. J'ai compris qu'il faut peut-être mourir à petit feu avant de vivre. On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire. Leur seul devoir, revoir leurs lois et leurs législations. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire. Leur seul devoir, revoir leurs lois et leurs législations. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Neka. Divers, Bastard Prod, Lyrical Record. On fait ce qu'on a à faire, de sang froid et sans hésitation. Même sans méditation, c'est ce qu'on a à faire.